Chapitre 3e, un intérieur. La pièce où se trouvait Édouard était étroite et longue. Une fenêtre en mansarde l'éclairait par un bout. Deux petits rideaux de calicot blanc, montés sur une seule tringle en fer, une commode en acajou noir, incrustée de cuivre, un petit secrétaire de noyer, fermé soigneusement et surmonté de deux rayons de bibliothèque fixés au mur avec des cordes, une couchette en bois peint, avec une petite table au chevet, et au pied une vieille bergère en velours d'Utrecht, tel était l'ameublement. Une horloge de porcelaine qui n'allait plus s'élevait au milieu de la cheminée entre deux statuettes représentant Bonaparte premier consul et Napoléon empereur. Un portrait du même personnage, excellente gravure entourée d'un cadre doré, la plus riche pièce de ce mobilier modeste, était suspendue au-dessus du lit, ayant à droite un grand crucifix d'ébène et à gauche un sabre d'honneur dans son fourreau, avec une croix attachée à la poignée par son ruban rouge. Au-dessous de ces quatre objets sacrés, dans cette pauvre couchette, était étendu un vieillard septuagénaire. Il dormait, et la douce clarté de la lampe posée sur la petite table, éclairant à demi son visage, permit à Édouard d'en analyser les traits vénérables. Leur ensemble, malgré l'extrême maigreur qui en altérait les lignes, portait encore le caractère d'une beauté mâle et remarquable, rappelant les nobles têtes de ces dictateurs populaires que le Sénat de l'ancienne Rome allait chercher à leur charrue. Édouard éprouvait devant cette calme et imposante figure une sorte de tremblement religieux, et il était tenté de se mettre à genoux devant le front chauve, les joues cicatrisées et la barbe blanche de ce vieux soldat. Car tout en lui comme autour de lui indiquait la profession militaire et trahissait quelque ancien grenadier de l'Empire, de cette grande époque qui paraissait ce jour-là renaître avec Napoléon. Après avoir contemplé le guerrier qui semblait porter une auréole, la première idée d'Édouard fut de s'assurer si le malade était entouré des secours que réclamait son état. Il regarda la cheminée, la vit sans feu, et sentit alors vivement l'impression du froid dont son émotion l'avait préservé jusque-là. Il remarqua aussi que la plupart des flacons et des vases qui couvraient la petite table étaient vides. Il allait hasarder une observation à ce sujet lorsque le vieillard fit un léger mouvement dans son lit et entr'ouvrit les yeux. « Ah ! » dit-il d'une voix faible mais encore vibrante, « te voilà revenu, Marguerite. Eh bien, m'apportes-tu ce vin de Malaga, mon enfant ?» Édouard, qui s'était discrètement retiré vers la porte, vit Marguerite pâlir à cette question et rester sans réponse, et pendant que l'artisan la regardait avec désespoir, « Si tu n'as pas ce vin, ma petite, reprit doucement le malade, donne-moi un verre d'eau sucrée. » La jeune fille s'empressa de satisfaire à ce désir, et l'artisan suivit Édouard dans l'autre pièce, après s'être muni d'une lumière et avoir fermé la porte de la chambre. Là, Édouard lui prit affectueusement la main et lui dit, « Mon ami, vous ne me connaissez pas plus que je ne vous connais, mais la circonstance étrange qui nous rapproche vous commande la confiance comme à moi la sympathie. Je peux vous rendre, en tout honneur, des services indispensables. Parlez-moi donc sans honte et sans crainte, comme un ami qui vous est attaché de ce moment par le lien le plus sacré, celui du malheur, et racontez-moi tout ce qu'il faut que je sache pour vous servir efficacement et remplir à votre gré le besoin de mon cœur. » À ces mots, le brave jeune homme baissa les yeux avec embarras. Puis, après s'être assuré qu'ils étaient seuls pour quelques minutes, il offrit une chaise à Édouard de Méran et lui parla de la sorte.